Today is Saturday, 15th of May, 2010. Our 3 weeks retreat here started yesterday evening. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2010. Notre retraite de 3 semaines a débuté hier soir. Nous avons pris les 9 préceptes de ce matin. Les yogis ont également écouté les instructions pour la méditation vipassana de façon à pratiquer cette méditation correctement. C'est la 8e fois que je suis ici à Dhammarancy pour aider les yogis avec l'enseignement du Bouddha. Je suis très heureux de le faire et j'ai l'impression d'être revenu ici pour revoir d'anciennes connaissances, des personnes, des êtres que j'ai rencontrés au cours de mes existences antérieures. Selon le Bouddha, en effet, tout le monde a des liens de parenté dans le samsara. Tout le monde fait donc partie de la même famille dans le samsara. Et c'est donc par gratitude envers toutes ces personnes que je me retrouve ici aujourd'hui. C'est donc par gratitude envers tous ces êtres que je me retrouve ici aujourd'hui, et je vais les remercier en leur offrant l'enseignement supérieur du Bouddha, c'est-à-dire la méditation vipassana bhavana. Ce n'est pas donné à tout le monde de pratiquer la méditation vipassana. Rares sont ceux qui peuvent le faire. Le Bouddha a enseigné beaucoup de pratiques. Il a enseigné dana, la générosité, il a enseigné sila, la moralité. Il enseignait bhavana, la méditation. Il y a 2 sortes de bhavana, samatha bhavana et vipassana bhavana. Samatha bhavana, c'est la méditation qui permet de concentrer l'esprit. Lorsque l'esprit est concentré, il expérimente la paix. Mais cette méditation ne peut pas nous mener à la compréhension de la nature du corps et de l'esprit. Pour cela, il faut vipassana bhavana. La méditation vipassana va en effet nous permettre de concentrer notre esprit et également de comprendre la nature du corps et de l'esprit. C'est pour cette raison qu'on peut dire que vipassana bhavana, la méditation vipassana, c'est la plus haute forme d'enseignement du Bouddha. Lorsque le Bouddha a atteint Sabbe-nyuta-jnana, l'omniscience, il s'est mis à enseigner ce qu'il avait lui-même expérimenté pendant 45 ans. Il l'a fait sans relâche. Lorsqu'il est mort et qu'il a donc atteint le Parinibbana, son enseignement est resté. Son enseignement comprend 84 000 groupes. Mais tout ceci peut se résumer à une seule chose, Appamada, l'attention. Aujourd'hui, nous allons donc pratiquer la méditation vipassana selon l'enseignement qui se trouve dans le Satipatthana Sutta. That's why, with the respect, I would like to recite the beginning of the sutta, the Satipatthana Sutta. Ekayano yam bhikkhave mekho saddhanam visuddhiya soka parinibbanam sammadekamaya Dukkha dhammanasana athingamaya nyayasa adhikamaya nibbanasa sacchikiriyaya yadidhan jadaro satipatthana kadame jadaro ida bhikkhave bhikkhu kaye kayanubhasi viharati adabhi sambhajano satima Vinaya loge bheja dhammanasam Vedana su vedana nubhasi viharati Adabhi sambhajano satima Vinaya loge bheja dhammanasam Chaita chaita nubhasi viharati Adabhi sambhajano satima Vinaya loge bheja dhammanasam Dhamme su dhamma nubhasi viharati Adabhi sambhajano satima Vinaya loge bheja dhammanasam Would you say please sadhu? Sadhu, sadhu, Sadhu. Donc c'est ainsi que débute le Satipatthana Sutta. Le Bouddha nous dit dans le Satipatthana Sutta, ceci est le seul chemin bhikkhu pour la purification des êtres, pour la victoire sur le chagrin et les lamentations, pour la disparition de la souffrance physique et mentale, pour l'atteinte du noble chemin et du noble fruit, pour la réalisation de Nibbana, à savoir les quatre établissements de l'attention. Nous sommes des Putujana, des êtres non illuminés. Nous avons donc encore beaucoup de pollution dans notre esprit. Les pollutions, ce sont essentiellement Lobha, Dosa et Moha. Lobha, c'est l'avidité, Dosa, c'est la colère, Moha, c'est l'ignorance. Même si nous voulons la paix, nous ne réussissons pas à l'avoir toujours en nous, tout simplement parce que les pollutions vont venir nous déranger. Si nous voulons la paix, nous devons pratiquer la méditation vipassana. En effet, si nous pratiquons samatha et que nous ne sommes pas capables de maintenir notre attention, il ne sera pas possible d'expérimenter la paix. Si nous pratiquons vipassana et que nous le faisons correctement, nous pourrons expérimenter la paix, tout simplement parce que nous aurons compris la nature du corps et de l'esprit. Tout ceci explique le premier bénéfice dont parle le Bouddha, la purification des êtres. Tout le monde veut la paix, mais comment faire pour y arriver? Si nous ne pratiquons pas la méditation, nous ne serons pas conscients ni du corps ni de l'esprit. Par contre, si nous pratiquons, nous comprendrons la nature du corps et de l'esprit. Nous allons donc pratiquer la méditation conformément aux quatre satipatthana. Il y a quatre établissements pour l'attention: Kayanupassana, l'attention au corps; Vedananupassana, l'attention aux sensations; Chittanupassana, l'attention à l'esprit; et Dhammanupassana, l'attention aux objets mentaux, c'est-à-dire essentiellement les contacts sensoriels. L'attention au corps, Kayanupassana. En posture assise, le Bouddha nous explique tout d'abord comment il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir correctement pour pouvoir maintenir l'attention sans interruption. Le méditant doit s'asseoir jambes croisées, garder le dos bien droit, poser les mains l'une sur l'autre, et il doit diriger son attention vers l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il doit ensuite respirer de façon attentive. Ceci veut dire qu'il ne doit respirer ni trop lentement, ni trop longuement. S'il respire trop lentement, il ne verra pas clairement les objets. S'il respire trop rapidement et de façon trop énergique, il va se fatiguer. Il faut donc respirer de façon attentive, ni trop lentement, ni trop fortement. Il faut également que le méditant observe les respirations au niveau de l'abdomen. Il ne doit pas les observer au niveau des narines. S'il observe l'abdomen attentivement, il pourra sentir un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas. Ces deux mouvements sont l'objet d'attention lorsqu'on pratique la méditation. Il est dit qu'il faut noter le mouvement de soulèvement tel qu'il nous apparaît. Il faut noter le mouvement d'abaissement tel qu'il nous apparaît. Il faut le faire de façon très attentive. Si nous ne sommes pas très attentifs au moment où nous observons ces deux mouvements, il ne sera pas possible de suivre le mouvement avec précision. L'esprit ne restera pas fixé sur l'objet. Pour y arriver, pour être donc très attentifs au moment où nous observons ces deux mouvements, nous devons travailler avec détermination. Nous devons nous dire que nous allons essayer d'observer le mouvement de soulèvement du début à la fin. Nous allons essayer d'observer le mouvement d'abaissement du début à la fin. Il faut donc essayer de maintenir son attention pendant toute la durée du processus. Mais ceci est impossible au début de la pratique. Il y aura beaucoup de ratés. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler avec détermination. Nous devons faire un effort délibéré pour observer très attentivement et avec beaucoup de précision ces deux mouvements, même si nous n'arrivons pas à maintenir notre attention pendant toute la durée du processus. Si nous observons avec détermination les mouvements de l'abdomen, comme il vient d'être expliqué, tôt ou tard, nous réussirons à maintenir notre attention du début à la fin du processus. Si nous n'y arrivons pas au début, nous devons nous consoler en nous disant qu'au moins nous voyons la folie de l'esprit. Nous allons expérimenter le fait que l'esprit est toujours en train de vagabonder de ci, de là. Nous comprendrons la nature de l'esprit. Nous comprendrons également qu'il est possible de noter toutes ces distractions. Mais si nous n'observons pas les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen de façon pénétrante, si notre observation est superficielle, non seulement nous ne réussirons pas à suivre le mouvement, mais nous ne réussirons pas non plus à comprendre la nature de l'esprit. Nous ne pourrons pas noter les pensées. Nous ne saurons même pas que les pensées sont des objets qui peuvent être notés. Pour toutes ces raisons, il est donc très important d'apprendre à noter avec détermination. Nous pourrions penser que la méditation, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile. Mais en réalité, c'est le travail le plus difficile qui soit et très fatigant. Pour suivre l'enseignement du Bouddha, il faut fournir un gros effort et c'est très difficile d'y arriver, tout simplement parce qu'il s'agit d'un travail sur l'esprit. Nous essayons de maintenir notre attention sur les différents objets. Si nous essayons de façon sérieuse à maintenir notre esprit sur l'objet primaire et sur les autres objets qui se manifestent, nous pourrons constater par nous-mêmes que ce n'est vraiment pas facile. Mais plus vous fournirez d'efforts pour y arriver, plus vous réussirez à comprendre la nature de l'esprit. Vous pourrez constater par vous-même que l'esprit est toujours en train de vagabonder. Il fait des plans, il se souvient, il pense, il réfléchit, etc. Le méditant va donc commencer par comprendre la nature de l'esprit. Le Bouddha nous dit que l'esprit est très rapide, très difficile à contrôler. Lorsqu'on pratique Vipassana, c'est donc la première chose que le méditant va expérimenter par lui-même. Il va pouvoir constater que son esprit ne reste pas fixé sur l'objet. Il s'échappe constamment. Il va donc comprendre l'enseignement du Bouddha. Si l'esprit ne reste pas fixé sur l'objet d'attention, où est-il? Eh bien, l'esprit va retourner chez lui, c'est-à-dire dans les contacts sensoriels, dans le monde des plaisirs sensuels, le plaisir d'entendre, le plaisir de voir, le plaisir de sentir, le plaisir de goûter, le plaisir de toucher et le plaisir de penser. L'esprit va se mettre à penser dès qu'il y aura contact sensoriel par l'une ou l'autre de ces six portes. Il retourne donc dans son domaine Kamabawa. Si l'esprit est retourné chez lui dans son domaine, forcément, les impuretés vont le pénétrer. L'esprit va devenir pollué. Et tout ceci, le méditant pourra le constater par lui-même. Son esprit a été contaminé par les pollutions mentales. C'est pourquoi le Bouddha demande au méditant de fournir un effort, de faire preuve d'énergie, d'une énergie physique et d'une énergie mentale. C'est viriya en pali. Qu'est-ce que l'énergie physique? Dès qu'un objet se manifeste, le méditant doit le noter de façon assidue. Par exemple, si les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen se manifestent, le méditant doit se dire qu'il va fournir un effort pour observer ces deux mouvements du début à la fin. Donc l'énergie mentale consistait à noter sans interruption et de façon assidue les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen ou tout autre objet qui se manifeste. L'énergie physique concerne la posture. Le méditant devra donc essayer de maintenir la posture, les jambes croisées, le dos bien droit. Pendant toute la séance, il devra faire un effort pour ne pas changer de posture, pour ne pas bouger pendant toute la séance. C'est cela l'énergie physique. Si nous changeons de posture en cours de séance, cela veut tout simplement dire que nous ne disposons pas de cette énergie physique. Tout ceci n'a pas grand-chose à voir avec les sensations douloureuses qui vont peut-être, de temps à autre, amener le méditant à devoir changer de posture. J'en parlerai dans les jours qui suivent. Donc, le méditant doit faire preuve d'une énergie physique et d'une énergie mentale. Le yogi devra donc construire son énergie physique et son énergie mentale. L'énergie physique concerne donc la posture. L'énergie mentale consiste à noter de façon attentive et précise tous les objets qui se manifestent à chaque instant. Si nous réussissons à noter les objets qui se manifestent à chaque instant avec précision, la confiance va apparaître. La confiance se développe en apprenant à noter les différents objets qui se présentent à chaque instant à l'intérieur de nous. Au début, nous ne voyons pas clairement tous ces objets. Mais dès que nous serons devenus capables de les voir clairement, de les noter avec précision, la joie va se manifester. Nous sommes heureux parce que nous constatons que nous avons réussi à développer notre attention. Nous sommes devenus capables de noter les différents objets. Cette joie est une conséquence naturelle. Elle se manifeste dès que le méditant a progressé. Ceci veut tout simplement dire qu'il a développé son énergie mentale. Si l'énergie mentale est développée et que la joie s'est manifestée, le méditant va se sentir confiant. Il aura confiance en lui. Il sait que dorénavant, il est capable d'observer attentivement. Mais si le méditant ne réussit pas à voir quoi que ce soit, si les objets ne lui apparaissent pas clairement, la confiance ne va pas se manifester. C'est le contraire qui va se passer, le méditant va commencer à perdre tout intérêt pour la pratique. C'est pour toutes ces raisons que le Bouddha demande au méditant de fournir un effort tout particulier, un effort physique et un effort mental. Lorsque vous pratiquez la marche, vous devrez procéder de la même façon. Vous devrez travailler avec effort. Vous disposez d'un très bel espace pour pratiquer la marche. Vous pouvez le faire au jardin si vous le souhaitez. Tout ceci est possible. Il faut cependant veiller à se trouver une piste de marche qu'on va parcourir de long en large. Il ne faut pas marcher n'importe comment. Il faut s'astreindre à marcher le long de cette piste et de faire des allers-retours. De cette façon, vous pourrez facilement développer votre attention. Mais si vous marchez n'importe où, n'importe comment, de façon peu méthodique, il ne sera pas facile de développer l'attention. La piste ne doit pas être trop longue, elle ne doit pas être trop courte. Une dizaine de mètres suffisent. Essayez d'observer chaque pas sans interruption. Soyez attentif à chaque mouvement. Si vous réussissez à le faire, la confiance va également se manifester au cours de la marche. Le méditant dispose alors de l'énergie physique et de l'énergie mentale. Ce méditant, qui a donc développé la confiance, ne souhaitera pas arrêter la pratique. Il voudra poursuivre sa méditation en marche et noter chaque pas. Si vous êtes capable de maintenir votre attention sans interruption en posture assise et en marche, vous pourrez constater que l'esprit n'est pas envahi par les pollutions, par les kilesas. Il n'y a en vous aucune colère, aucun désir, aucune ignorance. Vous êtes capable de noter, par exemple, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption et vous voyez ces mouvements très clairement, il n'y a donc pas d'ignorance en vous. Après un certain temps, vous ne verrez plus ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen comme vous appartenant. Vous verrez qu'il n'y a là qu'un mouvement de soulèvement, un mouvement d'abaissement. Il n'y a pas d'ego, pas de personnalité qui les sous-tend. Pendant la marche également, vous allez petit à petit constater qu'il y a seulement le mouvement. Vous ne verrez plus le pied, vous ne mettrez plus ce mouvement en rapport avec un pied. Voir tout cela, c'est la compréhension. Dans la vie de tous les jours, on ne voit pas ces choses, on ne comprend pas qu'il n'y a à l'intérieur de nous que les éléments. Mais le yogi va réussir à comprendre tout cela. On parle alors des connaissances vipassana, des connaissances, des visions pénétrantes, Et lorsque ces visions pénétrantes de Vipassana auront été développées, il deviendra possible pour le méditant d'atteindre l'illumination. That's enough for today. May you be more happy. May you be able to practice meditation, Vipassana meditation, diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then may you attain Nibbana. Sadhu, sadhu.